autre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Cette chanson de Jean-Jacques Goldman et notre chorale de ce soir. Grégory, viens me rejoindre. Regarde, le public. Merci beaucoup. Et debout, une ovation. Alors dis-moi, une chanson de Jean-Jacques Goldman, 500 choristes qui sont derrière toi. On peut dire que le pari était de taille tout de même. Hein. C'était de taille et qu'un mot à dire, c'est frissons. Voilà, j'ai ressenti des frissons ce soir avec, grâce aux 500 choristes ici. C'est la première fois que tu chantes avec un tel accompagnement? C'est la première fois et j'en redemande après. Tu veux revenir alors? Bah pourquoi pas? Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Bonne suite à toi. Merci beaucoup. Et alors à la prochaine édition, puisque tu veux revenir, nous on t'accueille. Alors notez bien l'album, c'est Je deviens moi, l'Olympia, 29 et 30 mai prochain. On reste ensemble pour la prochaine chanson.